إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc ceci est le 13e cours des cours tirés du livre Tafsir al-Nasikh bi Ahkam al-Manasik du Cheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad hafizahullah ta'ala. Hier on a terminé de parler de la station de Arafat. On a cité des rappels et invocations choisis par le Cheikh hafizahullah ta'ala, tirés du Coran et de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé du fait de passer la nuit à Al-Muzdalifah, et on a entamé le chapitre des actes à accomplir le jour du sacrifice. Et on s'est arrêté au premier point que l'on avait terminé. ثم قال المؤلف حفظه الله ولما كان حصل من بعض الصحابة فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه عليه الصلاة والسلام سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي والحلق قبل الرمي وطواف الإفاضة قبل الرمي والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج. وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس، وروى أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. نعم، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. Le deuxième point, donc des actes qui sont accomplis le jour du sacrifice, qui est le jour de l'Eid. On a dit que ces actes accomplis le jour de l'Eid étaient au nombre de de quatre. Il y a la lapidation de la grande stèle, Ramyu Jamrat al-Aqaba, thumma al-Nahr, le sacrifice, puis le rasage ou le raccourcissement, puis le tawaf, suivi du sa'i, selon le pèlerin et le rite qu'il accomplit, et s'il a accompli le sa'i après tawaf al-Qudum ou non. Puis il dit, hafidhahullah, et parce que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont accompli ces différents rites en ne suivant pas l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ils ont questionné le prophète alayhi salatu wa sallam sur le jugement de cela, sur le jugement de ces différents rites qu'ils n'ont pas accomplis dans le même ordre que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondait à chaque fois « La haraj, il n'y a point de mal ». Et parmi les questions qui ont été posées au prophète alayhi salatu wassalam, le fait d'avoir rasé avant d'avoir sacrifié, ou d'avoir sacrifié avant d'avoir lapidé, ou d'avoir rasé avant d'avoir lapidé, ou d'avoir fait le tawaf avant d'avoir lapidé, ou d'avoir lapidé le soir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé le matin après le lever du soleil. Et également le fait d'avoir fait le sa'i avant le tawaf. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf, a fait le sa'i après tawaf al-Qudum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le sa'i après tawaf al-Qudum. Ainsi, les compagnons qui ont fait le sa'i avant le tawaf, al-Ifada, ont demandé le jugement de cela au prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et selon Abdullah ibn Umar, et puis le Cheikh Hafidhahullah cite les différents hadiths relatifs à ces questions qui ont été posées au prophète, alayhi salatu wa sallam, le jour du sacrifice. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de, pendant le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à disposition des gens qui sont venus le questionner alayhi salatu wa sallam. Un homme lui a dit, je n'ai pas fait attention et j'ai rasé avant d'avoir sacrifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sacrifie, il n'y a pas de mal. Et un autre est venu, a dit, je n'ai pas fait attention et je ne me suis pas rendu compte et j'ai sacrifié avant d'avoir lapidé. Le prophète Hassan lui a dit, lapide, il n'y a point de mal. Et il n'y a pas une chose sur laquelle le prophète Hassan ce jour-là, le jour de Nahr, le jour du sacrifice, il n'y a pas une chose sur laquelle le prophète Hassan a été questionné ce jour-là, sur une chose qui a été précédée ou qui a été retardée, sans que le prophète Hassan disait, fais, il n'y a pas de mal. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de l'imam Muslim, toujours selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un homme est venu à lui le jour du sacrifice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au niveau de Jamrat al-Aqaba, au niveau de la grande stèle. Waqifun inda al-Jamra. Car le jour de l'Eid, on ne lapide que la grande stèle. Et cet homme a dit, ô envoyé d'Allah, je me suis rasé les cheveux avant d'avoir lapidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lapide et point de mal. Un autre est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, j'ai sacrifié avant d'avoir lapidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lapide et point de mal. Un autre est venu et a dit, j'ai fait le tawaf, tawaf al-ifada, avant d'avoir lapidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lapide et point de mal, et je n'ai pas vu le prophète sallam qui est questionné ce jour-là sur une chose sans qu'il n'ait dit fait et point de mal. Ce hadith et Al-Bukhari rapporte un hadith similaire d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Et l'imam Al-Bukhari rapporte également, selon Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné le jour du sacrifice Amina, et il disait point de mal. Un homme lui a dit, je me suis rasé avant d'avoir sacrifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sacrifié, point de mal. Et l'homme a dit, j'ai lapidé après que le soir, après la tombée du soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, point de mal. Et selon Oussama ibn Sharik, radiyallahu anhu, il dit, je suis sorti en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en accomplissant le pèlerinage. Et les gens venaient à lui. Certains disaient, ô envoyé d'Allah, j'ai fait le sa'i avant le tawaf. J'ai fait le sa'i avant le tawaf. Ou j'ai précédé une chose ou j'ai retardé une chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, point de mal, la haraja, point de mal, sauf un homme qui s'en est pris à l'honneur d'un homme musulman tout en étant injuste. فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ. C'est lui qui a commis un mal et qui connaîtra la perdition. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud selon une chaîne de transmission authentique répondant aux conditions de l'imam Al-Bukhari et Muslim. ثالثاً وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه البخاري ومسلم وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. Puis il dit, حفظه الله, le troisième point et ces quatre actes accompli le jour du sacrifice, que sont la lapidation de la grande stèle, le sacrifice, le rasage ou le raccourcissement et le tawaf. Que concernant ces quatre actes, le tahallul, l'état de désacralisation a lieu lorsque trois de ces actes sont accomplis. Ou le yahsulu bi thalathatin minha, que sont le rami, la lapidation, le fait de raser et le tawaf. Donc ce qui concerne le tahallul, les actes par lesquels l'on se désacralise, concerne trois de ces actes et non pas les quatre. Donc pour être désacralisé, il y a trois actes qui sont concernés par la désacralisation. Ces trois actes sont la lapidation, le rasage et le tawaf. Car ces trois actes sont demandés et doivent être faits par chacun des mutamattir, du qarin et du mufrid. Que tu sois qarin, mufrid ou mutamattir, le jour du sacrifice, tu dois lapider la grande stèle, tu dois raser ou raccourcir tes cheveux, et tu dois faire le tawaf al-ifadah, le tawaf du hajj. Quant au sacrifice, il n'est pas concerné par la désacralisation. Le sacrifice du hadi ne fait pas partie des actes qui ont une relation avec l'état de désacralisation. Car le sacrifice concerne le qarin et le mutamattir. Quant au mufrid, il n'a pas de hadi à sacrifier. Et quand on dit il n'a pas de hadi à sacrifier, wujuban, obligatoirement. Car on a vu dans les jugements du hadi qu'il est autorisé au mufrid de sacrifier un hadi tatawwan, de façon surérogatoire et volontaire de sa part. Non. لا إذا كان عليه سعي لابد أن يسعى. Donc ici une question du frère, s'il a lapidé, il a rasé ses cheveux et il a fait le tawaf mais n'a pas fait le sa'i. Donc ici le sa'i tout dépend, est-ce que le sa'i devait le faire ou non? Si c'est un qarin qui a fait le sa'i après tawaf al-qudum, dans ce cas, le tawaf lui suffit. Si c'est un mutamattir, lorsque l'on parle de tawaf, on a dit que cela concerne le tawaf et le sa'i pour celui qui doit accomplir un sa'i. Donc le mutamattir, pour qu'il soit désacralisé, la grande désacralisation, la désacralisation totale, il doit lapider la grande stèle, raser ou raccourcir ses cheveux, faire le tawaf et le sa'i. Non? Non, on a dit le hadi la alaqa lahu bit tahallul. قلنا الهدي لا علاقة له بالتحلل. Donc le fait de sacrifier n'a pas de relation avec l'état de désacralisation. Car si le sacrifice est en relation avec l'état de désacralisation, le moufrid ne serait jamais désacralisé. Et celui qui accomplit ces trois actes que sont la lapidation, le rasage ou le raccourcissement et le tawaf ou le tawaf et le sa'i, alors il est désacralisé de la désacralisation totale qui lui permet toute chose, même le fait d'avoir des rapports avec son épouse. Quant à celui qui accomplit deux parmi ces trois actes, alors, il entre dans l'état de désacralisation mineure, ou dans le premier état de désacralisation. Et le premier état de désacralisation, ou l'état de désacralisation mineure, lui permet ou autorise au pèlerin de faire toutes choses, quand on dit toutes choses qui lui sont à la base interdites en état de sacralisation, hormis les femmes. Donc il a le droit de se parfumer, de mettre ses vêtements, etc. Mais la chose qui lui sera interdite, c'est d'avoir un rapport avec son épouse. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté par Al-Bukhari Muslim, qui dit, radiallahu anha, je parfumais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son état de sacralisation. Donc, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entre en état de sacralisation, et lorsqu'il était désacralisé avant de faire le tawaf autour de la Kaaba. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf après avoir, le jour de l'Eid, après avoir lapidé, sacrifié, rasé ses cheveux sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, les actes concernés par le tahallul sont la lapidation, le rasage ou le raccourcissement et le tawaf. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, parfumait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en état de désacralisation. Ici, l'état de désacralisation, c'est at-tahallul al-awwal, le premier, qui autorise toute chose sauf les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aïcha radiallahu anha l'a parfumé, alors que le professeur Hassan n'avait fait que la lapidation et al-halq, parmi les actes concernés par la désacralisation. Puis il dit, hafidhahullah, et l'on dit que l'état de désacralisation mineure a lieu lorsque l'on fait deux de ces trois actes, car le fait de précéder ou de retarder l'un de ces actes par rapport à l'autre, le jour de l'Eid est autorisé comme cela a été démontré précédemment, notamment lorsque le professeur Assalam disait à ses compagnons « La haraj, la haraj ». Est-ce que c'est clair ? طيب. Rabi'an. دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس ولقط له في أثناء سيره ولقط له ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء: وفيه فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Muzdalifah après que l'horizon soit devenu très jaunâtre. On avait dit que cela concernait, que cela avait lieu avant le lever du soleil. Et pendant son trajet entre Al-Muzdalifah, de Muzdalifah vers Mina, Al-Fadl ibn Abbas radiallahu anhuma a pris cette pierre pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté, et par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé la grande stèle au matin. Et le jour du sacrifice est entièrement un moment dans lequel on peut lapider la grande stèle. Et le mieux est de lapider la grande stèle après le lever du soleil. Et nous avons vu précédemment dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point de mal à cet homme qui l'a questionné en disant j'ai lapidé après que le soleil se soit couché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la haraj. Ibn al-Mundhir dans son livre Al-Ijma a dit ils sont unanimes que s'il lapide la grande stèle le jour du sacrifice après l'apparition de l'aube et avant le وقبل طلوع الشمس et avant le lever du soleil que ceci est valide, que cela est valide. Donc le mieux est de lapider la grande stèle le jour de l'Eid après le lever du soleil, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Quant à celui qui lapide après l'apparition de l'aube et avant le lever du soleil, cela est valide à l'unanimité des savants, comme le rapporte Ibn al-Mundhir dans son livre Al-Ijma'. Puis il dit, hafidhahullah, et celui qui n'a pas la possibilité de lapider la grande stèle avant le coucher du soleil, alors il lui est autorisé de lapider la grande stèle après le coucher. La preuve est ce qui est rapporté dans le Muwatta, selon une chaîne de transmission authentique, selon Nafi', qui était le serviteur de Abdullah ibn Umar, qui rapporte que la fille d'un frère de Safiya bint Abi Ubaid, qui est donc la fille du frère, la nièce de Safiya bint Abi Ubaid a accouché à Al-Muzdalifah. Nafasat, elle a accouché alors qu'elle était à Al-Muzdalifah. Elle est donc restée, elle et Safiya bint Abi Ubaid, jusqu'à ce qu'elle se soit rendue à Mina après le coucher du soleil, le jour du sacrifice. Abdullah ibn Umar leur a ordonné de lapider la grande stèle au moment où elles y arrivent, et il n'a vu aucun mal les concernant dans cela. Et ceux qui ont la dérogation de partir vers la fin de la nuit, il leur est autorisé de lapider la grande stèle lorsqu'ils arrivent à Mina. Avant l'apparition de l'aube. La preuve est ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah, le servant de Asma, selon Asma, qui dit, puis nous sommes partis, c'est-à-dire nous sommes partis de Al-Muzdalifah. Et nous avons continué notre chemin jusqu'à ce qu'elle ait lapidé la grande stèle. Donc ici c'est Abdullah Mawla Asma qui rapporte de Asma. Fartahana famadayna hatta ramatil jamra. Nous sommes partis et nous avons continué notre chemin jusqu'à ce qu'elle ait lapidé la grande stèle. Puis elle est retournée et a prié le soubh chez elle. Donc elle a eu le temps de lapider la grande stèle le jour de avant l'apparition de l'aube, et elle a eu le temps de retourner chez elle pour y prier la prière du soubh, du fajr. Donc cela prouve qu'elle a lapidé avant l'apparition de l'aube. La preuve également est le hadith rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim selon Aisha radiallahu anha, lorsqu'elle a dit, Waditu, si seulement j'avais demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui a demandé la permission Saouda radiallahu anha, pour prier le subh amina et lapider avant que les gens ne viennent. Khamisan. Donc là, il y a un ajout sur la nouvelle édition, la dernière édition. نعم. قال الشيخ حفظه الله ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرامت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. Et le Cheikh Hafidhahullah, dans la dernière édition du livre, apporte une autre preuve rapportée dans les Sunan de l'imam Abi Daoud, selon une chaîne de transmission authentique, répondant aux critères de l'imam Muslim, d'après Aisha radiallahu anha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Umm Salama la nuit du sacrifice, faramat al-jamra, et elle a lapidé la grande stèle avant le fajr. Donc quand on dit Laylat al-Nahr, la nuit du sacrifice, c'est la nuit qui précède le jour de l'Aïd. Donc c'est la nuit où les gens sont à Al-Muzdalifah. Donc Umm Salama fait partie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont quitté Al-Muzdalifah avant le fajr. Et elle a lapidé la grande stèle avant le fajr, puis elle a continué son chemin pour accomplir le tawaf al-ifada. Jazakallahu khairan. Khamisan, yakunu nahru al-hadi in kana ibilan wa dhabhuhu in kana baqaran aw ghanaman fi yawm an-nahr wa ayyam at-tashriq ath-thalatha wa ayyam at-tashriq ath-thalatha laylan aw nahara. سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره، والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. نعم. ومن كان قارنا أو متمتعا. نعم. On va déjà traduire cette partie. Cinquièmement, il dit حفظه الله, donc après avoir parlé de d'avoir détaillé le premier acte qui est le fait de lapider la grande stèle le jour de l'Eid, le cheikh hafidhahullah cite les détails concernant le deuxième acte qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir lapidé, qui est le sacrifice. Le fait de sacrifier yakunu nahru. نعم, le nahr, donc le sacrifice, concerne le chameau. والذبح, et l'on égorge le hadi si c'est une vache ou un ovin. Et entre dans les ovins, ont le même jugement que les ovins, les caprins. Ceci, le jour du sacrifice et les trois jours de At-Tashriq. Et les trois jours de At-Tashriq, et les Ayyam At-Tashriq, on avait vu que c'était les 11e, 12e et 13e jour. Et il est autorisé de sacrifier deux jours comme deux nuits. Que ce soit un hadi obligatoire pour le mutamatti' et le qarin, ou lorsque c'est un hadi issu d'un vœu, ou que ce soit un hadi surérogatoire et volontaire. Et le minimum concernant le hadi est le septième, et une brebis ou un agneau ou un mouton, ou le septième d'un chameau ou chamelle, ou le septième d'une vache, d'un bœuf. Et le hadi qui est valide est celui qui remplit les conditions, les mêmes conditions que celles de al-udhiyah. Et il dit, hafidhahullah, c'est al-jadh min al-da'n wa al-thaniyu min ghayrihi. Al-jadh, concernant al-da'n, ce sont les ovins. La bête doit avoir au minimum 6 mois. Et concernant les caprins, donc les chèvres, elles doivent avoir au minimum 1 an. Concernant les vaches, elles doivent avoir au minimum 2 ans. Et concernant les chameaux et chamelles, ils doivent avoir au minimum 5 ans. Donc ici, le cheikh hafidhahullah donne les caractéristiques du hadi en soi. Puis, il explique quand est-ce que... Donc il a expliqué quand est-ce qu'a lieu le sacrifice, quel genre de bête... doit être sacrifié pour le hadi, puis il explique, hafidhahullah, l'endroit dans lequel ces bêtes sont sacrifiées. Et il dit que ces bêtes sont sacrifiées à Mina et à Mecca, à Mina ou à la Mecque. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mina est entièrement un endroit de sacrifice, et tous les chemins de la Mecque sont des voies et des lieux de sacrifice. Et le hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah et autres selon une chaîne de transmission authentique. ثم قال: ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. Puis il dit, Hafidhahullah, et celui qui est qarin ou mutamatti'. Donc, en gros, ceux pour qui le hadi est obligatoire. Celui qui est qarin ou mutamatti' et qui n'a pas de hadi. Qui n'a pas de hadi. Soit parce qu'il n'en trouve pas, ou soit parce qu'il n'a pas la possibilité d'en acheter. Alors, il devra jeûner 3 jours pendant le pèlerinage, et 7 jours lorsqu'il rentrera chez lui. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 196 de Sourate Al-Baqarah: quiconque jouit d'une vie normale, faman tamatta'a bil umrati, après avoir fait la umra, en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui. Il est autorisé de jeûner ces 3 jours et ces 7 jours, ces 3 jours pendant le pèlerinage et les 7 jours lorsqu'il retournera chez lui. Il a le droit de les jeûner d'affilée, les 3 jours d'affilée, 7 jours d'affilée, ou de les séparer, de jeûner 3 jours, mais des jours qui ne se suivent pas. Et le mieux, concernant le jeûne des 3 jours qu'il doit accomplir pendant le pèlerinage, et de les jeûner lorsque le pèlerinage approche avant le jour de Arafat. Avant le jour de Arafat, car le jour de Arafat, le pèlerin ne jeûne pas istihbaban. Ne jeûne pas istihbaban. Donc, Cheikh Al-Abbad dit que le mieux pour lui est de jeûner jusqu'avant l'approche, à l'approche du pèlerinage, avant le jour de Arafat. Autrement dit, de jeûner le 6e, 7e et 8e jour. Et celui qui n'a pas jeûné ces 3 jours, ou n'a pas jeûné une partie de ces 3 jours avant le pèlerinage, alors il les jeûnera pendant les Ayyam al-Tashriq, le 11e, 12e et 13e jour. La preuve est ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari selon Aïcha et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum, qui ont dit que il n'a pas été permis de jeûner les jours de Tashriq sauf pour celui qui n'a pas trouvé de hadith. Sauf pour celui qui n'a pas trouvé de hadith. Car les jours de At-Tashriq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés comme étant ayam ou tashriq, ayam ou aklin, wa shurbin, wa dhikrin lillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les jours de tashriq que ce sont des jours dans lesquels l'on mange, l'on boit et l'on évoque Allah azza wa jal. Ainsi, les savants ont déduit de ce hadith qu'il était détestable de jeûner pendant les jours de At-Tashriq. Mais l'exception est faite à celui pour qui le hadi est obligatoire, mais qui n'a pas les moyens de le sacrifier. Alors, s'il n'a pas jeûné 3 jours avant le pèlerinage, il devra les jeûner pendant les jours de At-Tashriq. Il dit, hafidhahullah, il est recommandé à celui qui sacrifie le hadi ou à celui pour qui on sacrifie le hadi, le propriétaire du hadi, il est recommandé au propriétaire du hadi de manger de cette bête sacrifiée et d'en donner en aumône. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 28 de Surat al-Hajj, mangez de cette bête sacrifiée. Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, et nourrissez-en le pauvre. Et il lui est autorisé de donner de cette viande, même si celui à qui il donne est riche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de la viande de son hadi et a bu de sa sauce. Dans le hadi de Jabir, radiallahu an, rapporté par l'imam Muslim, il dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à l'endroit du sacrifice. Et il a sacrifié 63 de ses propres mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 63 chamelles. Alayhi salatu wa salam. Et au total, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié combien? 100 chamelles. 63 qu'il a sacrifié de ses propres mains. Et ici, on en déduit qu'il est recommandé au pèlerin de sacrifier lui-même, quand cela est possible, de sacrifier lui-même le hadi. Et malheureusement, on constate à notre époque que cette sunna de sacrifier soi-même, que ce soit pour le hadi ou que ce soit pour l'udhiya ou autre, on constate que c'est une chose qui est de plus en plus délaissée. Et les gens ont maintenant... je parle des hommes, je ne parle même pas des femmes, ont de plus en plus de réticence à sacrifier une bête, que ce soit un chameau, que ce soit un bœuf, que ce soit un mouton, et parfois même, lorsque c'est une poule. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le couteau à Ali radiallahu anhu, qui a sacrifié le reste des chamelles. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on prenne une partie de chaque chamelle qui a ordonné qu'une partie de chaque chamelle soit mise dans une marmite, puis cette viande a été cuite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de cette viande et a bu de cette sauce. Et le fait de manger, que le propriétaire du hadi mange de la viande du hadi, n'est pas une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé toute la viande qu'il y avait dans les marmites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé toute la viande, mais il a mangé une partie de la viande. Et si le fait que le propriétaire du hadi, si ça avait été une obligation pour lui de manger de sa bête, même une partie, le professeur Hassan aurait mangé une partie de ses 100 chamelles. Or, ce n'est pas ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Une autre preuve que ce n'est pas une obligation pour le propriétaire du hadi de manger de la bête sacrifiée, et que le prophète Hassan, et ça on l'a vu précédemment, envoyait des hadis depuis Médine, alors que le professeur Hassam était Médine, et on a vu que le hadi ne peut être sacrifié que à la Mecque, que dans la terre sacrée, que à la Mecque, et le professeur Hassam donc envoyait des hadis depuis Médine afin qu'elle soit sacrifiée et que la viande soit distribuée à la Mecque. Et le professeur Hassam ne mangeait pas de ces hadis car il était à Médine alayhi salatu wassalam. La preuve est le hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des hadis depuis Médine. فَأَفْتِلُوا قَلَائِدَ هَدِيهِ. Et Aisha radiallahu anha dit et je tressais les guirlandes de ces hadis. Pourquoi? Car lorsque les hadis étaient envoyés notamment de Médine vers la Mecque, eh bien, ils étaient différenciés des autres bêtes à sacrifier. Et on les différenciait en attachant sur eux des sortes de cordes ou de guirlandes qui les distinguaient. On savait que cette bête, on ne devait pas lui porter atteinte et qu'elle était considérée comme un hadi qui devait être tué à la Mecque et non pas, par exemple, en chemin si les voyageurs avaient besoin de se nourrir. Il ne pouvait pas tuer ce hadith car il ne peut être tué que lorsqu'il arrive à l'endroit du sacrifice qui est la Mecque. Et également le hadith, la viande n'est distribuée que aux gens de la Mecque. طيب سادسا والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. Sixièmement, le troisième de ces actes qui accomplit le jour du Nahr, le jour du sacrifice, est le fait de raser la tête ou de sacrifier ou de raccourcir, pardon, les cheveux. Et nous avons et le jugement de cela a été précédemment cité, notamment dans les actes de la Umrah, dans lequel le Cheikh a cité que les preuves que le fait de raser était meilleur que raccourcir. سابعا والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة ومن لم يفعله منهما في المحل ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة رواه معلقا بصيغة الجزم فقال وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح وأيضا حديث عائشة في صحيحي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وفيه فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه وأما ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة بحمل حديث جابر على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم وأما المتمتعون فسعوا سعيين سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر والمثبت مقدم على النافي وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في منسكه. Puis le cheikh حفظه الله تعالى cite les détails du quatrième acte parmi les actes du jour du sacrifice qui est le tawaf ou le tawaf et le sa'i. Il dit حفظه الله et le quatrième de ces actes parmi les actes du jour du sacrifice est le tawaf, tawaf al-ifada. Qui est un pilier parmi les piliers du Hajj. Et le Hajj ne peut être valide sans son accomplissement. Et nous avons vu dans les chapitres précédents, notamment dans le chapitre des piliers du Hajj, les preuves que Tawaf al-Ifada est un pilier du pèlerinage. Et il est autorisé de faire le Tawaf al-Ifada pendant les jours. Il est valide. Le tawaf al-ifada, le mieux est de le faire le jour de l'Eid. Et il est valide lorsqu'il est fait également pendant les jours de tashriq et après les jours de tashriq. Lorsque le pèlerin est qarin ou mufrid et qu'il n'a pas fait le sa'i après le premier tawaf, tawaf al-qudum, ou lorsqu'il arrive à la Mecque que au moment de la station à Arafat, alors il devra faire le sa'i après tawaf al-ifada. Donc ici le cheikh cite deux cas. Le premier qui concerne le qarin et le mufrid. Le qarin et le mufrid, on a dit que lorsqu'ils arrivent à la Mecque, ils font tawaf al-qudum, qui est, pour le qarin et le mufrid, le jugement de tawaf al-qudum, il est mustahab. Vous avez déjà oublié? Il est mustahab. Tawaf al-qudum pour le qarin et le mufrid, il est mustahab. Quant au tawaf du mutamattir, le tawaf de la umra, il est obligatoire. C'est un pilier de sa umra. C'est un pilier de sa umra. Donc ici, le qarin et le mufrid, lorsqu'ils ont fait le premier tawaf, tawaf al-qudum, si ils n'ont pas fait le sa'i après tawaf al-qudum, ils devront le faire obligatoirement après tawaf al-ifada. Également, le qarin et le mufrid, qui n'arrivent à la Mecque que le jour de Arafat. Car on a vu que le fait d'être à Mina le huitième jour est mustahab. Donc une personne qui veut accomplir le pèlerinage peut, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, car le mieux à faire est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut commencer son pèlerinage directement le jour de Arafat. Or un mufrid et un qarin qui commencent directement le Hajj à Arafat, il n'aura pas fait le tawaf et le sa'i avant. Donc il devra faire le tawaf et le sa'i du Hajj. Car il dit, حفظه الله, car le qarin et le mufrid ont un seul sa'i à faire. Et ce sa'i peut être fait à deux, en deux endroits. Soit après tawaf al-qudum, à deux moments, soit après tawaf al-qudum, soit après tawaf al-ifada. Et s'il ne l'a pas fait en un endroit, il doit, devra le faire dans, dans l'autre. Quant au pèlerin qui est mutamattir, donc le qarin et le mufrid, ça c'est une règle. Il n'a qu'un tawaf, il n'a qu'un sa'i à faire. Il n'a qu'un sa'i à faire. Quant au mutamattir, il doit faire le sa'i après tawaf al-ifada, car le mutamattir doit accomplir deux tawaf et deux sa'i. Le mutamattir doit accomplir deux tawaf et deux sa'i. Un tawaf et un sa'i pour sa umrah, et un tawaf et un sa'i pour son pèlerinage. Et le cheikh hafidhahullah cite les preuves de l'obligation du sa'i pour le mutamattir. Donc ici, il rentre dans les détails, hafidhahullah ta'ala. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala an, dans le sahih de l'imam al-Bukhari, que Abdullah ibn Abbas a été questionné concernant le tamattu' pendant le pèlerinage. Il a répondu que les muhajiroun et les ansar, ainsi que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le pèlerinage d'adieu, sont entrées en état de sacralisation. Donc ceux qui sont partis de Médine, al-muhajiroun, qui étaient les habitants de la Mecque qui ont émigré vers Médine. Donc, al-muhajiroun, al-ansar et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont entrées en état de sacralisation au miqat de Dhul-Hulayfa. Et lorsqu'ils sont approchés la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de changer leur état de sacralisation du pèlerinage vers une Umrah, pour celui qui n'a pas apporté avec lui le hadith. Puis il dit, Abdullah ibn Abbas, nous avons fait le tawaf autour de la Kaaba et les allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa. Wa atayna an-nisa wa labasna thiyab. Puis il nous a été autorisé d'avoir un rapport avec les femmes et de porter nos vêtements. Autrement dit, il a expliqué qu'ils étaient en état de désacralisation totale. Car lorsqu'on peut avoir un rapport avec son épouse, c'est qu'on est désacralisé totalement. Puis il a dit que celui qui a apporté le hadi ne peut être désacralisé que lorsque le hadi aura atteint son endroit de sacrifice. Puis il nous a ordonné le jour de Tarwiyah, le huitième jour de Dhul-Hijjah, de rentrer en état de sacralisation pour le pèlerinage. Et lorsque nous avons accompli les différents rites, nous sommes partis faire le tawaf autour de la Kaaba et le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. Donc ici, Abdullah ibn Abbas cite le deuxième tawaf et le deuxième sa'i, le deuxième tawaf et le deuxième sa'i qui sont obligatoires pour le mutamattir. La preuve également est le hadith de Aisha radiallahu anha rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et les termes sont les termes de l'imam Muslim, dans lequel elle dit radiallahu anha, ceux qui sont entrés en état de sacralisation pour la Umrah ont fait le tawaf autour de la Kaaba et ont fait les allées et venues entre As-Safa et Al-Marwa, puis ils se sont désacralisés. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. Puis ils ont fait un autre tawaf après être revenus de Mina, après avoir accompli les rites du pèlerinage à Mina. Et ceux qui ont réuni entre eux et ceux qui ont réuni entre le Hajj et la Umrah n'ont fait qu'un seul tawaf. Ici, le terme tawaf qu'a utilisé Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie le sa'i. C'est-à-dire que ceux qui ont sont entrés en état de sacralisation pour accomplir la Umrah, autrement dit ceux qui ont fait le tamattu', ils ont fait le tawaf autour de la Kaaba et le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, puis ils se sont désacralisés. Et ensuite, ils ont fait un autre sa'i. Après être revenus de Mina, une fois les rites de Mina accomplis. Quant à ceux qui ont réuni entre eux le Hajj et la Umrah, ceux qui ont fait le Qiran, ils ont fait un seul sa'i. Il dit, حفظه الله, فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة. Donc, cet autre tawaf qui concerne al-mutamatti', c'est le tawaf entre As-Safa et Al-Marwa. Autrement dit, le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. Quant au tawaf al-ifada, c'est une obligation. Car ceux qui ont fait le qiran, ils ont fait, pour la plupart, le sa'i quand? Après tawaf al-qudum, comme le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pour cela que Aïcha a dit, et quant à ceux qui ont réuni entre le hajj et la umrah, ils n'ont fait qu'un seul tawaf, ils n'en ont pas fait un autre. Et ici, le tawaf qui est voulu, c'est le sa'i. Quant au tawaf, tout le monde doit le faire. Le tawaf autour de la Kaaba, tawaf al-ifada, tout le monde le fait, que ce soit le qarin, le mufrid ou le mutamattiin. Donc ceci prouve que ce qu'elle a voulu dire radiallahu anha par le tawaf ici, en parlant de l'autre tawaf et du seul tawaf accompli par ceux qui ont fait le qiran, elle voulait dire par cela le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. Quant au tawaf al-ifada, c'est un pilier pour tous les pèlerins et ils l'ont effectivement accompli. Quant à ce qui est rapporté dans le hadith de Jabir radiallahu anhu, rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont fait le tawaf entre As-Safa et Al-Marwa qu'une seule fois, qui était le premier tawaf, le premier sa'i. Donc ici, on a le hadith de Abdullah ibn Abbas et de Aisha radiallahu anha, dans lequel il est prouvé que le mutamatti' fait deux tawaf et deux sa'i. Et on a le hadith de Jabir radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont fait qu'un sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. Et ici, ce que l'on peut comprendre du hadith de Jabir, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les compagnons. Il dit, hafidhahullah, Cheikh Al-Abbad, l'on réunit entre le hadith de Jabir et les deux hadiths de Abdullah ibn Abbas et de Aisha en disant que le hadith de Jabir concerne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont apporté avec eux le hadi et qui ne se sont désacralisés que le jour du sacrifice avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car eux, ils n'ont fait qu'un seul sa'i après tawaf al-qudum. Quant aux mutamatti'oun, quant à ceux qui ont fait le tamattu', ils ont fait deux sa'i, un sa'i pour leur umrah et un sa'i pour leur pèlerinage. Et également, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas et de Aisha radiallahu anha, il y a de façon claire l'attestation que le mutamatti' accomplit un deuxième sa'i après le sa'i de sa umrah. contrairement au hadith de Jabir qui ne le stipule pas. Or, la règle est que al-muthbit muqaddamun ala nafi, que le texte qui affirme prévaut sur celui qui nie. Le texte qui affirme prévaut sur le texte qui nie. Et cela a été amplement expliqué par Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dans son livre At-Tahqiq wal-Idah li kathir min masail al-Hajj wal-Umra, dans son livre Vérification et éclaircissement sur beaucoup de sujets concernant le pèlerinage, qui est un livre traduit en plusieurs langues et notamment en langue française. Rahimahullah. ثم قال حفظه الله المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أولا يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال. نعم في زيادة نعم يقول يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام فإن أيام نحر الهدي أربعة الأول يوم النحر والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين. Puis il entame, hafidhahullah ta'ala, le chapitre du fait de passer la nuit à Mina pendant les jours de At-Tashriq, les nuits des jours du Tashriq. Et le fait de passer la nuit à Mina pendant ces jours fait partie des obligations du pèlerinage. Il dit, hafidhahullah, les pèlerins passent tous la nuit à Mina, la 11e et 12e nuit. Ils passent tous la 11e et 12e nuit à Mina. La 11e nuit qui est là, le soir du jour de l'Eid, et la 12e nuit qui est le soir du 11e jour. Et celui qui veut faire le ta'adjoul, celui qui veut raccourcir et précipiter son départ, il doit sortir de Mina avant le coucher du soleil, après avoir lapidé les trois stèles, après le zawal, après le zénith du 12e jour. Donc ici, il y a deux cas. Il y a le fait que tous les pèlerins doivent passer la 11e nuit et 12e nuit de Dhul-Hijja à Mina, ou la majorité de ces deux nuits à Mina. Et celui qui veut précipiter son départ, il doit obligatoirement quitter Mina avant le coucher du soleil du 12e jour et après avoir lapidé les trois stèles après le zawal, car on verra par la suite que les trois stèles pendant Ayam et Tashriq, elle, le moment de lapidation commence après que le soleil dépasse son zénith, lors de l'entrée de la prière, lors de l'entrée de l'heure de dhuhr, de la prière du dhuhr. Et celui qui veut rester et retarder son départ, alors il passera la 13e nuit à Mina. Il passera la 13e nuit à Mina et partira et quittera Mina après avoir lapidé les trois stèles après le zénith. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, le verset 203. وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de deux jours, à s'attarder non plus. Il n'y a pas de mal à partir au bout de deux jours. Et de rester n'est pas un mal et c'est même ce qu'il y a de mieux à faire, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, car le prophète sallallahu alayhi wassalam est resté à Mina le 11e, 12e et 13e jour. Et les deux jours dans lesquels, à partir desquels on peut partir et précipiter son départ de Mina, sont le 11e et 12e jour. Et ces deux jours, dans ces deux jours ne sont pas inclus le jour de l'Eid, le jour du sacrifice, comme le pensent certaines personnes. Comme le pensent certaines personnes. Car si tu comptes deux jours, en comptant le jour du sacrifice, tu partiras le 11e jour au lieu de partir le 12e jour. Or, le 11e et 12e jour, tous les pèlerins doivent, ou la 11e et 12e nuit, tous les pèlerins doivent passer la majeure partie de ces nuits Amin. Et également, les trois stèles doivent être lapidées pour tout le monde, au minimum le 11e et le 12e jour après le Zawal. Puis il dit, Hafidhahullah, les jours du sacrifice du Hadi sont de 4. Les jours du sacrifice du Hadi sont de 4. Et ces 4 jours concernent le sacrifice du Hadi, mais concernent aussi le sacrifice de Al-Udhiyah, le sacrifice de l'Udhiyah, qui est le sacrifice de Al-Eid, pour ceux qui sont pèlerins comme pour ceux qui ne sont pas pèlerins. Les jours du sacrifice sont de 4. Le premier est le jour du sacrifice, le 10e jour de Dhul-Hijjah, le jour de Eid al-Adha, qui est appelé Yawm al-Nahr et qui est aussi appelé Yawm al-Ru'us, car c'est ce jour-là où la majeure partie des bêtes sont sacrifiées et égorgées. Sacrifiées ou égorgées. Le deuxième jour du sacrifice est le 11e jour de Dhul-Hijjah, qui est appelé Yawm al-Qarr, le jour de la station, car c'est un jour dans lequel tous les pèlerins sont présents à Mina. Le troisième jour du sacrifice est le 12e jour de Dhul-Hijjah, qui est appelé le jour du premier départ, Yawm al-Nafr al-Awwal, car c'est le jour où ceux qui précipitent leur départ de Mina partent. C'est le 12e jour. Et le 4e jour des jours du sacrifice est le 13e jour, qui est le jour du 2e départ pour ceux qui ont retardé leur départ de Mina. ثانيا يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها اكثر الليل سواء كانت هذه الاكثريه حصلت من اول الليل او في اخره وسواء كان الحاج نائما او مستيقظا وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحجاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه. Puis, le deuxième point que traite le Cheikh Hafizahullah Ta'ala concerne le fait de passer la nuit à Mina. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, Hafizahullah, que le fait de passer la nuit à Mina a lieu par la présence du pèlerin à Mina la majeure partie de la nuit. Que cette majeure partie ait lieu au début de la nuit ou à la fin de la nuit. Que le pèlerin dorme ou qu'il soit en état d'éveil. Donc, lorsque l'on dit passer la majeure partie de la nuit à Mina, cela signifie que le pèlerin se trouve à Mina, physiquement, dans l'enceinte de Mina. Et on a vu que Mina, la terre de Mina était délimitée de façon très précise par des panneaux qui indiquent l'entrée et la sortie de Mina. Donc il doit être physiquement à Mina et il doit y être la majeure partie de la nuit. Que cette majeure partie de la nuit concerne le début de cette nuit ou la fin de cette nuit. Puis il détaille, hafidhahullah ta'ala, ce que signifie la majeure partie de la nuit. La majeure partie de la nuit a lieu ou est effective lorsque le pèlerin est présent à Mina en dépassant la moitié de la nuit. En étant présent à Mina jusqu'à ce que la moitié de la nuit soit dépassée. Et comment l'on connaît et comment l'on calcule la moitié de la nuit? La moitié de la nuit est connue en calculant le nombre d'heures qu'il y a entre le coucher du soleil et l'apparition de l'aube. Autrement dit, entre l'entrée de l'heure du Maghrib et l'entrée de l'heure du Fajr. Puis, du Fajr, et on parle ici du deuxième Fajr. Al-Fajr al-Sadiq, celui dans lequel il y a l'appel à la prière pour accomplir la prière obligatoire. Puis on divise ce nombre d'heures par deux. Donc si le Maghrib par exemple est à 19h et le Fajr à 4h du matin, la moitié de la nuit a lieu quand? Entre 19h et 4h du matin, il y a combien d'heures? Non, 9h. Donc la moitié de la nuit, on divise 9 par 2, donc c'est 4h30. Donc 4h30, soit tu les ajoutes au Maghrib, à l'heure du Maghrib, ou soit tu les soustrais à l'heure du Fajr. Dans les deux cas, tu arriveras à la moitié de la nuit. Donc si c'est 4h30, en partant de 19h, la moitié de la nuit est 11h, 23h30. Donc, pour que le pèlerin passe la majeure partie de la nuit, il faut qu'il reste après 23h30, plus que 23h30. Car à 23h30, il arrivait à la moitié de la nuit. Or, pour rester la majeure partie de la nuit, il faut dépasser la moitié de la nuit. Il dit, Hafidhahullah, donc le pèlerin et Amina peut être à Mina la première partie de la nuit et une partie de la deuxième moitié. Soit le pèlerin et à Mina, se trouve à Mina la première moitié de la nuit et une partie de la de la deuxième moitié. Ou il peut se rendre à Mina la deuxième moitié de la nuit avec une partie de la première moitié. Donc une partie de la première moitié, puis là, la deuxième moitié. Par exemple, il reste de, si le Maghreb est à 19h et le Fajr à 4h, il reste de 19h jusqu'à par exemple minuit. Donc ici, il est resté jusqu'à la moitié de la nuit, plus une demi-heure de la deuxième moitié. Ou sinon, il peut se rendre à Mina, à quelle heure? À 23h. Dans ce cas, il sera présent à Mina une partie de la première moitié et toute la deuxième moitié. Et il dit, hafidhahullah, il donne un conseil pour les pèlerins qui veulent accomplir le tawaf, tawaf al-ifada, ou autre, à la Mecque, à la mosquée sacrée, que le mieux est de partir après la première moitié de la nuit. Après la première moitié de la nuit. Car s'il part à la Mecque pendant la première moitié de la nuit, eh bien, il est possible qu'il soit retardé. Donc, autrement dit, celui qui veut faire le tawaf al-ifada, par exemple, pendant les jours de tashriq. Le mieux, c'est qu'il attende, si le maghrib est à 19h et le fajr à 4h, qu'il attende minuit, par exemple, pour pouvoir quitter Mina et faire son tawaf. Car, le tawaf al-ifada, surtout pendant ces jours, il y a beaucoup d'affluence. D'accord? Surtout s'il fait son tawaf et son sa'i. Cela peut prendre du temps et s'il y a beaucoup de monde, le fait de partir pendant la première moitié peut lui faire louper le mabit al-muzdalif à Mina. Car il peut prendre du retard dans son tawaf et son sa'i et n'arriver à Mina que après que la deuxième moitié de la nuit soit entrée. Ainsi, il ne sera pas resté à Mina la majeure partie de la nuit. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.